les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les actrices, les grandes actrices, sont simples, douces. Elles savent faire la cuisine, elles sont comme vous et moi, comme leurs fans. Étrange. On les souhaiterait peut-être extravagantes et inaccessibles, non? Voici quelques « confidences » entre guillemets de vedettes, d'une vedette, suivies du courrier des auditeurs, auditeurs qui réclament encore et toujours d'autres vedettes, des vedettes, des vedettes, des vedettes, et surtout désirent les rencontrer. Mais il faudrait que ce soit le mardi, demande une auditrice, car c'est là son jour de repos. Confidence de vedette par André Bourillon, le 19 septembre 1945, sur le programme parisien. Il était 2 heures lorsque j'arrivais chez Blanchette Brunois. La concierge m'avait dit 3e à droite et naturellement j'ai sonné à la porte de gauche, car je dois vous dire que je suis un naturel assez distrait. Donc une dame très aimable m'ouvrit. Mademoiselle Blanchette Brunois est-elle là, s'il vous plaît? Ah non, monsieur. Et pour la bonne raison que Mademoiselle Brunois, c'est la porte en face. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Vous êtes venu pour un radio-reportage? Oui, madame. Mais comment le savez-vous? Oh, j'ai vu votre voiture en bas avec radiodiffusion française peint sur la carrosserie. Eh bien, on ne peut rien vous cacher. Alors, encore une fois, pardonnez-moi, madame. Il n'y a pas de mal, monsieur. Et après cette petite erreur involontaire, j'ai cette fois sonné à la bonne porte. J'attendais en pensant. Est-elle vraiment au naturel comme je l'ai vu sur les écrans? Est-elle la jeune fille timide et douce de l'empreinte du Dieu, l'étudiante en médecine de quartier latin ou bien la provocante jeune femme du voyageur sans bagage? La réponse fut immédiate. Une porte qui s'ouvre, un visage fin, un gentil sourire et une voix qui murmurait après ma présentation et une excuse pour un léger retard. Je vous en prie, ça n'a pas d'importance, entrez donc. Oui, c'était bien Blanchette Brunois telle que je me l'imaginais. Douce, simple, aimable, et possédant dans le regard la franchise de sa jeunesse brillante et dépourvue du factice de la vie d'artiste. Un petit couloir, et avant de pénétrer dans le salon, je sentis une odeur encore appétissante d'un repas inachevé. Car vous le verrez tout à l'heure, Blanchette Brunois est une excellente cuisinière. Non, n'arrêtez pas la radio, cet air de jazz est excellent, et cela nous permettra d'attendre un peu avant de commencer notre bavardage. D'habitude, je demande en premier lieu aux vedettes de me parler de leur début au cinéma ou au théâtre. Eh bien, aujourd'hui, avec Blanchette Brunois, dont je suis ravi d'ailleurs de faire la connaissance, je vais un peu varier l'ordre chronologique et habituel de mes questions en les distribuant un peu au hasard de notre conversation. Eh bien, commençons donc par demander à Mademoiselle Blanchette Brunois quel est son dernier film sorti sur nos écrans parisiens. Quel est-il? C'est L'invité de la 11e heure, avec Jean Tissier, Roger Picot, Julie Astor, Guillaume de Saxe, Roger Génard... Oui, c'est d'ailleurs un film policier. Oui. Et figurez-vous que je suis docteur en sciences. Ah, mais c'est très bien. N'est-ce pas, je fais des progrès. Oui. Et maintenant, je vais pénétrer un peu dans votre vie intime, si vous voulez bien, puisqu'il s'agit ici de vous amener à faire quelques confidences hors théâtre, hors cinéma. Oui. Je sais, enfin, j'ai entendu dire que vous étiez un véritable cordon bleu, est-ce exact? Oh, c'est beaucoup dire. Ah non, je l'ai entendu. Non. Depuis la guerre, je fais un peu la cuisine, comme toutes les femmes. Enfin, j'en fais même beaucoup. J'en fais le matin, le soir, tous les jours. Mais c'est très bien tout ça. Et j'aime beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup. Et maintenant, autre chose, un petit coq à l'âne. Nous allons faire un petit coq à l'âne. Préférez-vous le cinéma ou bien le théâtre? Je parle évidemment en tant qu'interprète. Eh bien, je n'ai pas de préférence parce que ce sont deux choses très différentes. Qui n'ont aucun rapport. C'est comme si vous compariez la sculpture avec la peinture. Ce sont deux choses absolument, absolument différentes. Alors, voulez-vous un peu me développer votre idée là-dessus? C'est difficile. Pour vous développer mon idée, comme vous dites, il faudrait que nous restions là des heures. Peut-être même des jours, qui sait. Ce serait pour moi. Mais... c'est très difficile. Je crois d'ailleurs qu'on a essayé souvent de faire un rapprochement entre les deux. Comment vous dire ça en deux mots? Il y a entre le théâtre et le cinéma la technique. Ce sont des métiers très différents, n'est-ce pas? Par exemple, quand on joue une scène au cinéma, on a toujours le montage qui peut vous sauver. Venir en secours, oui. Pas toujours. Souvent. Mais au théâtre, il n'y a pas de montage. Le montage, on doit le faire soi-même, et le rythme, on doit le donner soi-même. C'est ça, le rythme soutenu du début jusqu'à la fin de la pièce. Absolument. Et comment êtes-vous venu au cinéma? Je suis venu normalement. J'étais au conservatoire, j'étais engagée pour jouer une pièce. Là, on m'a demandé de faire du cinéma. Et voilà. La suite des événements, c'est enchaîné automatiquement. Automatiquement. Et ça fait combien de temps que vous faites du cinéma? Depuis 1937. Mais alors vous êtes une jeune actrice, mais une vieille interprète. Oui, et à votre avis, vous avez tourné quel film d'abord? Le premier film que vous avez tourné, c'était dans quelle année? Le premier film en 1937, c'était La peau d'un autre à Berlin. Voilà, oui. Ensuite, j'ai tourné La chasse de Suzanne à Londres. Et puis Claudine à l'école à Paris, qui était le premier film. Vous aviez un grand rôle. J'avais un grand rôle. Et à votre avis, quel est le film que vous avez tourné, naturellement, qui vous a procuré à tous les points de vue le plus de satisfaction? Eh bien, Claudine à l'école, d'abord parce que c'était le premier. Avec Serge de Poligny. Et puis j'ai tourné ensuite L'Enfant du Dieu. Avec Pierre Blanchard. Avec Pierre Blanchard. C'est un film de Mogui. Et puis La Bête Humaine. Avec Jean Gabin. De Renoir. Et puis Goupil Marouge avec Becker. Et puis Le Voyageur sans bagage avec Anouilh. Merci Blanchette Brunois et au revoir. Maintenant, voici notre petit courrier des auditeurs. La semaine dernière, je vous avais demandé de m'écrire pour me dire quelle vedette vous aimeriez rencontrer ici. Eh bien, le courrier a été abondant et beaucoup parmi vous réclament Micheline Prel, Fernand Gravé, Jean Marais, Simone Renan, etc. Vous aurez satisfaction et vous pourrez voir vos artistes préférés dès que nous aurons la possibilité de les amener au micro. Voici comment nous procéderons. Parmi ceux, par exemple, qui nous ont écrit pour voir Micheline Prel, dès que cet artiste nous aura assuré son concours, nous tirerons au sort 4 lettres parmi celles qui réclament Micheline Prel, évidemment, et préviendrons les élus quelques jours avant par lettre. Et voici maintenant une lettre de M. Maurice Pic, 9 cité Riverain, Paris 10e, qui réclame Josette Daïdé. Josette Daïdé n'est pas encore à Paris, mais dès qu'elle reviendra, nous espérons qu'elle viendra nous voir à notre micro. Voici maintenant une lettre de Mademoiselle Mariette Gauthier, 1 rue d'Angoulême, à Paris 11e, et qui m'écrit une lettre assez curieuse d'ailleurs, je vais vous la lire. Je réponds pour savoir au juste le jour fixe du rendez-vous de mes vedettes, Micheline Prel, Georges Guettari et si c'est possible Tino Rossi. Pour Micheline Prel c'est possible, mais pour Georges Guettari et Tino Rossi n'en parlons pas. Si c'est possible, veuillez choisir un jour du début de la semaine, comme je travaille, je n'ai qu'un jour de repos et c'est le mardi. Mademoiselle, je ne sais si vous aurez la chance de voir vos vedettes le jour où vous pouvez vous reposer. En tout cas, nous ferons pour le mieux. Voici maintenant une lettre à Mademoiselle Chenard, 9 avenue Louise à Villemomble, Seine, qui écrit « Depuis longtemps déjà, je désirais avoir des renseignements concernant la vie de certains acteurs. Et je viens aujourd'hui vous demander si vous ne pourriez pas me satisfaire. Il s'agirait de Claude Dauphin, Jean Mercanton, Gilbert Gilles. Je serais très heureuse de savoir leur vie, cinéma et famille, et tout ce qu'ils ont fait pour la liberté du pays. » Mademoiselle, nous questionnerons ces 3 artistes et vous répondrons par lettre. Voici maintenant une lettre de Madame Marie-Louise Lemoine, 42 boulevard Montparnasse, Paris 15e, qui nous écrit « Monsieur, je me permets de venir vous demander un service. Ce serait de vouloir bien m'envoyer le poème qu'a composé un prisonnier intitulé « Donnez-moi mon Dieu ce qui vous reste » et qui a été dit par Mademoiselle Gaby Morlet au cours de votre émission. Ce me serait un grand plaisir car je trouve ce poème très beau. J'espère que vous ne trouverez pas ma demande importune et que vous aurez la bonté d'écouter ma requête. J'ai actuellement un très grand chagrin à la suite de la mort d'un enfant et la lecture de ce beau poème me fera du bien, j'en suis sûr. Madame, le poème vous parviendra cette semaine. Il en est de même pour vous, Madame Bugeaud, 44 rue de la Procession, Paris 15e. Alors au revoir et à la semaine prochaine. C'était Confidence de vedette par André Bourillon, première diffusion sur le programme parisien, 19 septembre 1945. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.